Bonjour, ici Valérie Levé au microphone de CKRL 89.1 et c'est l'heure de Futur Simple, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Il y a la science appliquée de façon très terre-à-terre pour trouver des solutions concrètes à nos problèmes et il y a la science qui nous fait rêver, la science qui nous émerveille. Et aujourd'hui, nous aurons deux exemples de ces sciences terre-à-terre et ces sciences qui nous font rêver. À 18h30, il sera question des boues d'épuration qui ne sont pas encore des déchets ultimes car il est possible de les valoriser, par exemple comme un amendement agricole, à condition toutefois d'en ôter les contaminants qu'elles contiennent. Et ça, c'est la recherche très terre-à-terre de Céline Vanicott, professeure au département de génie chimique de l'Université Laval. Et pour maintenant, place à la science qui nous émerveille, car le 8 avril, nous aurons la chance d'avoir une éclipse totale qui traversera le ciel du Québec. Il faudra vraiment profiter de ce spectacle, et pour nous mettre dans l'ambiance, les éditions Multimonde viennent de publier un livre intitulé « Éclipse quand le soleil fait son cirque ». Un livre qui explique la mécanique de l'éclipse, même l'histoire de l'observation des éclipses à travers les siècles et comment se préparer pour profiter de ce spectacle du 8 avril. Ce livre est écrit en duo par Julie Bolduc-Duval, qui est diplômée en astronomie de l'Université de Victoria, et par Joël Leblanc, journaliste scientifique. Et Joël est avec nous au micro. Bonjour Joël. Bonjour Valérie. Alors, votre livre vient tout juste de sortir. En fait, c'est en quelque sorte une bible hein, pour nous préparer à cet événement du 8 avril, pour pouvoir en profiter au maximum. Un évangile. Peut-être pas la Bible au complet, mais un évangile. Un évangile, d'accord. En tout cas, on y trouve toutes sortes d'indications pratico-pratiques, où aller, à quelle heure, avec quel type de lunettes pour regarder le soleil. Tout ça pour profiter de cet événement exceptionnel, parce que oui, c'est quand même un événement exceptionnel. Une éclipse totale, ça passe pas souvent chez nous. Non. Sur un point précis de la Terre, prenons n'importe quel endroit sur Terre au hasard et l'espèce de moyenne qu'on pourrait faire, la fréquence à laquelle une éclipse solaire totale peut passer à cet endroit-là sur Terre, en moyenne, c'est très variable d'un endroit à l'autre, mais en moyenne, c'est environ une fois à tous les 375 ans. Ouais. Donc, et là, ça va se passer chez nous. Le 8 avril. Donc, on peut dire que c'est notre éclipse. Bon, elle n'est pas que chez nous, le Mexique et les États-Unis vont pouvoir y goûter aussi, mais elle va passer chez nous au sud du Québec. Et bon, je disais que c'est une moyenne. En réalité, la dernière qui est passée au sud du Québec remonte à 1972. Ouais. Donc, ça nous amène à 50 quelques années dans le passé. Et la prochaine va être en 2106. Alors là, c'est dans 82 ans. Donc, on peut quand même parler d'exceptionnel. Oui, puis si on regarde à l'échelle d'une vie humaine, quand il y en a une qui passe dans notre vie, il ne faut pas la rater. Ah oui, c'est ce qu'on dit en astronomie, c'est l'événement d'une vie, une éclipse solaire totale. On peut voir des partiels plus souvent, mais la totale, c'est vraiment l'événement d'une vie qu'il faut pas manquer. Ouais. Mais comment ça se fait que ce soit si rare? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus souvent les conditions pour voir? C'est, après tout, la Lune, elle passe tout, on la voit tous les jours, le Soleil aussi. Donc, comment ça Ben se fait oui. qu'on se rencontre si rarement? En termes de petit cours de mécanique céleste 101, la Terre, comme vous l'avez dit Valérie, la Lune tourne autour de la Terre et ben ça lui prend grosso modo 28 jours, presque un mois à faire ça. Et ben à chaque tour, elle pourrait théoriquement nous faire de l'ombre, elle pourrait passer entre le Soleil et nous. Donc on pourrait, si on n'y réfléchit pas plus longtemps, on pourrait avoir une éclipse solaire tous les mois. Mais c'est pas le cas parce que imaginez la Terre. Vous avez le Soleil, tracez une ligne entre les deux, ben, il faut que la Lune passe exactement sur cette ligne-là. Et à certains moments, certains mois, elle va passer au-dessus de cette ligne-là, et à d'autres mois, elle va passer en dessous. Parce que son orbite autour de la planète Terre n'est pas parallèle à celui de la Terre autour du Soleil. Il y a une espèce de petite inclinaison d'environ 5 degrés qui fait que la Lune est très souvent un peu trop haut ou un peu trop bas dans le ciel pour cacher le Soleil. Et deux fois par année, donc, c'est ce qu'on appelle des saisons d'éclipse. Là, c'est un peu plus propice. En fait, la Lune, lorsqu'elle est ni trop haut ni trop bas, elle passe comme juste à la bonne hauteur dans le ciel. Ben, ça arrive environ deux fois par année. Et là, c'est ce qu'on appelle, à juste titre, les saisons d'éclipse. Mais ces saisons d'éclipse, ça ne veut pas dire qu'on va voir, même si on est dans la saison d'éclipse, ça ne veut pas dire que ça va se produire chez nous. Non, parce que cet événement-là, ce passage de la Lune devant le Soleil, il est relativement fugace, ça dure quelques heures à peine, et il faut que nous, sur Terre, on soit dans le bon angle. Il faut que la Terre, si on se retrouve du côté nuit de la Terre pendant que ça arrive, on verra pas l'éclipse. Comme celle qui s'en vient le 8 avril, on est aux premières loges, donc le Mexique, les États-Unis, le sud du Québec, les provinces atlantiques aussi, ben les gens au Brésil verront rien, puis les gens en Australie encore moins parce que ça va être la nuit chez eux à ce moment-là. Donc oui, c'est un spectacle, c'est la nôtre, c'est notre éclipse. Exactement. Puis il y a aussi une autre coïncidence, c'est que en fait le diamètre apparent de la Lune et de la Terre sont les mêmes. Et ça, c'est quand même une fameuse coïncidence. Oui, mais vous faites bien de souligner le diamètre apparent, c'est de quoi ça a l'air dans notre perspective d'humain sur Terre, parce qu'effectivement, la Lune est environ à un diamètre apparent environ 400 fois, pardon, je reprends. La Lune a un diamètre réel environ 400 fois plus petit que le diamètre du Soleil, mais elle est 400 fois plus près de nous, environ, en moyenne, ce qui fait que les deux diamètres de la Lune et du Soleil se ressemblent, sont presque identiques. Je dis presque parce que ça varie dans le temps. En plus, je racontais tout à l'heure que l'orbite de la Lune autour de la Terre a un certain angle par rapport au Soleil. En plus, cette orbite-là n'est pas circulaire. Il est légèrement ovoïde, légèrement ovale. Et donc, il y a des moments où la Lune est plus loin de la Terre et il y a d'autres moments où elle est plus près de nous. Ce qui fait que, ben, on est capable, lorsqu'elle est trop loin, lorsqu'elle est plus loin de nous, ben, parfois elle est trop petite pour cacher tout le Soleil. Et là, même si l'alignement est parfait, on obtient ce qu'on appelle une orbite, une éclipse annulaire, parce qu'il reste un anneau de lumière autour de la Lune. Elle est trop petite pour cacher le Soleil. Et inversement, lorsqu'elle est plus près, ben là, on peut avoir la totalité, on peut avoir une éclipse totale, parce que là, elle est plus près de nous et elle arrive à masquer le Soleil au complet. Donc, c'est des ajustements quand même fins. On parle de quelques pourcentages de distance et ça peut complètement changer le spectacle. Et celle du 8 avril, ben, non seulement la Lune est au bon endroit, mais elle est assez près de nous pour cacher le Soleil complètement. Ouais. Alors, on dit que justement, là, quand ça se produit, la Lune projette un cône d'ombre sur la Terre. Donc, c'est ce cône d'ombre, en fait, qui va circuler, qui va traverser l'Amérique du Nord, le 8 avril, et qui va arriver quelque part en Californie, au Mexique, et qui va Il traverser commence au le Mexique, là, sur la côte. Au Mexique, il y a je sais pas si on peut dire un État ou une province, en tout cas une région du Mexique, désolé mon ignorance, qui s'appelle la Basse Californie, mais c'est au Mexique. Mais Ouais. c'est comme en continuité avec la Californie américaine. Et puis, oui, l'éclipse, en fait, elle va commencer même un peu plus loin à l'ouest, dans l'océan Pacifique, dans le coin de la Polynésie française. C'est là que ça commence tout finement. Ça se propage. Cette tache d'ombre, le bout du cône, comme vous dites, là, cette tache d'ombre-là va se déplacer à mesure que la Lune se déplace dans le ciel, dans l'espace. Et elle va atteindre les côtes de l'Amérique du Nord au Mexique, là, sur la côte ouest du Mexique. Et puis tout doucement, ben, tout doucement. C'est quand même rapide, c'est quelques milliers de kilomètres à l'heure quand même, le déplacement de cette tache d'ombre-là. Ouais, quand même. Mais la tache elle-même fait dans les 200 km de diamètre aussi, donc c'est suffisant pour qu'on la voie, pour qu'on la vive un certain temps. Et puis donc le Mexique, les États-Unis, donc ça va commencer vers le Texas et ça va se propager se déplacer vers le nord-est. Je connais pas suffisamment la géographie des États-Unis pour vous nommer les États, mais ça va arriver tout au sud des Grands Lacs ensuite pour entrer au Canada et entrer au Québec sur la réserve d'Akwesasne, Kanawake, pardon. Précisément, l'endroit où ça va rentrer au Québec, c'est à la frontière de l'Ontario, Québec et l'État de New York. Et puis là, tout le sud du Québec, l'Estrie cette fois-ci est aux premières loges. Et on est en plein dedans. Les gens de Sherbrooke sont presque au milieu de la totalité. Les Ouais. gens de Lac Mégantic aussi. Le sud de la Beauce, le sud de la région de Chaudière-Appalaches va être aussi très bien servi. Et L'Observatoire du Mont Mégantic, il est en plein dedans. En plein temps, ils pouvaient pas. C'est une coïncidence vraiment fantastique de voir ce haut lieu de l'astronomie qui, en plus, est aux premières loges de l'événement. Wow! Puis là, Montréal est vraiment en bordure de cette zone d'ombre. Et puis Québec, bah malheureusement, on est au-dessus, mais il va falloir se déplacer un petit peu au sud, là en allant vers Saint-Georges, par là, pour être dedans. Oui, si on veut, les gens de Québec, si on y tient, si on veut vivre la totalité, effectivement, il va falloir se déplacer. Mais le spectacle sera quand même quelque chose à Québec, quand même, parce qu'on parle d'une occultation, la Lune va cacher 99 ou 98,7% du Soleil. Il va rester une toute petite lisière, une espèce de croissant de Soleil très, très fin, ce qui n'est pas suffisant pour parler d'une totale, bien sûr. mais qui est suffisant pour nous faire vivre presque la nuit en plein jour quand même. Ça va devenir très, très Ah, obscur pendant quelques minutes. Le cas de Montréal est intéressant, c'est que ben, l'île de Montréal est quand même grande et la bande de totalité, pardon, traverse Montréal en partie. Donc, les gens au sud, par exemple, allons-y avec l'extrême, le vieux port de Montréal, puis l'île Sainte-Hélène, c'est l'endroit à Montréal où on va avoir le meilleur spectacle. On va être dans la bande de totalité. Par contre, au nord de Montréal, en haut de l'autoroute 40, on n'est plus dans la totalité. Pardon. On est dans, ben, ça va être l'éclipse partielle qui va être quand même impressionnante. Mais en se déplaçant de quelques rues à Montréal, on peut avoir un spectacle complètement différent. ouais. C'est intéressant. La ville de Drummondville aussi est un cas un peu semblable et c'est encore plus frappant parce que la ville est quand même plus petite que Montréal. Mais Drummondville, qui n'est pas si spacieuse, si grande, le sud de la ville va avoir la totalité, le nord de la ville ne l'aura pas. Changer de rue, Donc, ça peut c'est changer important. cette journée-là. Ouais. Donc, c'est vraiment important de vraiment se positionner pour être au mieux dans la zone de totalité selon selon nos possibilités ce jour-là, hein, parce qu'il y a des gens qui devront rester au travail, malheureusement. Et il y aura quand même si on n'est pas dans la zone de totalité, on est dans la zone de pénombre, ou en tout cas, l'éclipse n'est pas totale, mais il y aura quand même un spectacle. On pourra sans doute s'en reparler parce qu'on va se redonner de rendez-vous le 1er avril et on va donner Oui. tous les détails sur les meilleures conditions d'observation, les lunettes aussi qu'il faudra absolument avoir pour regarder l'événement aussi à ce moment-là. Donc, on pourra revenir tout en détail sur comment se préparer et observer, et profiter dans les meilleures conditions possibles de ce spectacle du 8 avril. Mais j'aimerais là qu'on continue le déroulement du livre parce que finalement, c'est une occasion aussi, la lecture de ce livre, de découvrir les éclipses en général. Donc, on découvre aussi l'histoire de l'humanité, ben, comment les astronomes anciens ont observé ce spectacle-là, qu'est-ce qu'ils en ont fait. Donc, il y a toute une histoire de l'observation de l'éclipse. Et puis, ben, il y a les autres éclipses, il y a les éclipses solaires, il y a les transits. Et puis, hop, il y a aussi tout ce qui est la périodicité, les saros aussi, pour rester dans les éclipses solaires, il y a les fameux saros ou saros, je ne sais pas comment on prononce ça. Ça, c'est curieux quand même, ce phénomène. Ah, moi, ça me. Avant d'écrire ce livre-là, j'imaginais un univers assez simple, celui des éclipses. C'est-à-dire, bon, c'est des jeux d'ombre, c'est un objet qui passe devant une source de lumière, ça fait de l'ombre. Et puis là, quand j'ai découvert tout cet univers-là sur le très long terme, toutes les données qu'on a accumulées sur les éclipses ont permis. En fait, il y a ces observations-là directes qui ont permis de découvrir une espèce de périodicité, une répétitivité. Que je vais vous expliquer dans un petit instant. Mais en plus, bon, depuis Galilée et tous les autres, on sait, et surtout Newton avec les équations sur la mécanique, puis de comprendre les mouvements des astres et tout, on a réussi bien sûr à les calculer, à les prédire maintenant les éclipses. Et maintenant, on est capable de calculer rétrospectivement toutes les éclipses des 5000 dernières années et proactivement celles des 5000 prochaines années. Et on peut voir une répétitivité qui est due à l'addition de plusieurs probabilités. C'est-à-dire que je vous racontais tout à l'heure l'histoire de l'angle de la Lune, l'angle de rotation, pardon, de la révolution de la Lune autour de la Terre, qui est un peu incliné à 5 degrés. Donc, il y a ça, il y a la saison des éclipses qui arrive à peu près 2 fois par année. Ensuite, il y a cette distance-là de la Lune qui varie par rapport à la Terre qui fait qu'on a des éclipses ou bien annulaires ou bien totales. Et il y a quelques autres phénomènes comme ça qui, chacun de ces cycles-là, mis tous ensemble, font qu'on arrive à un grand cycle global de 18,3 ans, il me semble, et qu'on appelle le cycle des Saros. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est qu'à tous les 18 ans, et un petit peu plus, la Terre, le Soleil et la Lune se replacent dans exactement la même configuration, tous les 18 ans. Autrement dit, la distance Terre-Lune, l'inclinaison par rapport avec l'orbite, à quel endroit du ciel. Donc, le repositionnement des astres est le même à tous les 18,3 ans. Ce qui fait que sur la Terre, le tracé, la trajectoire de l'ombre de la Lune, parce qu'elle se déplace, cette trajectoire-là, je l'expliquais tout à l'heure, Mexique, États-Unis, Canada, cette trajectoire-là d'une éclipse à l'autre, elle varie beaucoup, mais à tous les 18 ans, on retrouve exactement le même tracé, la même trajectoire, à la différence près qu'elle ne sera pas exactement au même endroit sur Terre, parce que ce n'est pas ce cycle-là de 18 point quelques années, pardon, n'arrive pas. Il y a comme un tiers de journée sur Terre qui passe en plus. Ça fait que Si nous, le 8 avril, on a cette éclipse-là qui nous tombe dessus, ben, dans 18 ans, la même, entre gros guillemets, la même éclipse va avoir lieu, sauf que, bon, on sera probablement en pleine nuit, très tôt le matin ou très tôt le soir, nous, très tard, bref, ce sera pas on sera pas du tout placé face à l'éclipse et nous, on la verra pas, mais la Ah. même éclipse va se produire ailleurs sur Terre. Ça va, ah ouais. Ça veut dire qu'on peut voir donc cette espèce de cône d'ombre qui traverse en diagonale l'Amérique du Nord le 8 avril. Il va se retrouver, mais décalé peut-être ailleurs, plus loin sur l'Atlantique. Il va traverser l'Atlantique. Mais il va Oui, avoir l'Atlantique profil. ou l'Asie, je me souviens plus, mais on parle d'un tiers de journée, un tiers de tour de terre environ. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est drôle. Ouais. Mais comme c'est un tiers de tour de terre, à tous les 3 cycles, donc 3 x 18, 54, à tous les 54 ans, on n'est pas tout à fait un tiers, mais presque là, la même éclipse arrive à quelques centaines de kilomètres près au même endroit. C'est fascinant. Les Saros, il y a un univers fascinant là-dedans et mon cerveau a explosé quand j'ai découvert ça. On espère qu'il s'est bien recomposé, là, votre cerveau, on espère. Donc, on découvre là ce phénomène des Saros sur le cas des éclipses solaires et on découvre ensuite, il y a les éclipses de lune hein, qu'on a quand même l'occasion de regarder de temps en temps. Les éclipses de lune, il nous arrive plus souvent d'en voir que des éclipses de soleil d'ailleurs. Oui, le phénomène c'est encore un astre qui s'interpose devant la lumière du soleil par rapport à l'autre astre. Dans ce cas-là, pardon, contrairement à l'éclipse solaire où c'est une toute petite tache d'ombre de lune qui se déplace sur la Terre et donc peu de gens ont le privilège d'être survolés par cette ombre-là. À l'inverse, l'éclipse lunaire, c'est un peu comme si la lune s'éteignait, entre guillemets, elle perd sa source de lumière parce que la lune n'émet pas sa lumière, c'est le soleil qui se réfléchit dessus. Donc, quand la Terre s'interpose et coupe la lumière du Soleil, ben c'est la Lune qui s'éteint au complet. Et là, qui s'éteint entre guillemets. Et là, c'est tous les habitants de la Terre qui sont du côté de nuit, qui ont Ouais. accès à la pleine Lune ce soir-là, ben ils la voient disparaître. Donc, au lieu d'avoir quelques privilégiés sur une trajectoire toute fine, mais là, c'est la moitié du globe ou presque qui peut assister à l'éclipse lunaire. Donc, c'est ce qui fait que plus de gens ont eu la possibilité d'en voir, c'est que là, c'est une grande quantité de personnes qui peut y assister. Donc ça, c'est pour les éclipses qui font intervenir le trio Terre, Lune, Soleil. Après, il y a les transits. Donc les transits, c'est un autre type d'éclipse, mais avec d'autres astres. Oui, c'est un transit en gros en astronomie. Lorsqu'on est ici sur Terre et qu'on observe le Soleil, par exemple, bien sûr avec de l'équipement approprié, des télescopes avec des filtres et tout, il peut arriver que, dans le cadre de notre système solaire, il peut arriver que soit Vénus ou encore Mercure, dans sa révolution autour du Soleil, mais passe devant le Soleil. Et encore là, l'angle n'est pas tout à fait le même, donc c'est pas à chaque révolution qu'on peut assister à ça, mais le transit de Vénus. Si vous tapez ça sur le web et vous cherchez des images, vous allez voir des photos. Il y a le soleil et un tout petit point noir devant le soleil. Ben ça, c'est la planète Vénus qui, à ce moment-là, a été photographiée en passant devant le soleil. On ne parle pas tant d'une éclipse. Le phénomène elle-même, c'est un astre qui s'interpose devant la lumière. Mais là, il est tellement petit par rapport à la source de lumière que c'est plus ou moins une éclipse, mais c'est une petite tache qui passe devant le soleil. Pas une Mais oui. éclipse, ça n'éclipse pas le soleil. Pas Non, du ça tout. n'éclipse pas. Éclipse le soleil. Mais Ouais. il y a des cas où ça vient. Quelle est la limite entre un gros transit, donc une grosse planète qui passerait devant le Soleil, et une petite éclipse, comme ce qu'on appelle l'éclipse annulaire tout à l'heure, je disais la Lune quand elle semble plus petite. Il n'y a pas de consensus là-dessus, à un moment donné, et il n'y a pas tant de cas d'espèce non plus pour dire, OK, on a 200 sortes de transit éclipse, puis on met la ligne là. Mais sur la planète Mars, par exemple, les rovers, les petits robots motorisés qui se déplacent sur Mars, prennent des photos, sont équipés pour prendre des photos du soleil de là-bas et ils assistent assez régulièrement à des éclipses martiennes. Ben, ce sont des éclipses solaires sur Mars parce que Mars n'a pas une lune mais en a deux, mais elles sont toutes petites, c'est des cailloux, même pas circulaires, c'est des espèces de cacahuètes un peu bizarres, mais bon, elles ont une période de révolution assez rapide autour de Mars, donc les éclipses solaires sur Mars surviennent souvent. Mais elle s'apparente plus à des transits parce que ces satellites-là sont si petits qu'ils ne cachent pas tout le Soleil. Donc, oui, des cas d'éclipses. Il suffit d'avoir une source de lumière et des objets qui bougent pour faire des éclipses. Et puis, voilà, ça arrive partout dans le système solaire. Puisque ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi, en fait, on va plutôt parler de transit dans ces cas-là, mais on peut aussi en parler de transit en dehors du système solaire. Et là, ça ouvre toute une nouvelle porte en astronomie. Oui, ben oui, ceux qui s'intéressent à. ce champ de recherche là, qui date maintenant de 20 quelques années, peut-être 25 ans, la recherche d'exoplanètes, donc la recherche de planètes dans d'autres systèmes stellaires que le nôtre, est fortement basée sur ce principe-là. Ce sont des planètes. Ces étoiles-là sont très lointaines, donc déjà, voir les étoiles, c'est difficile, mais en plus, voir ces petites poussières que sont les planètes qui tournent autour des étoiles, c'est encore plus difficile, sauf qu'à chaque fois, si on a la chance d'observer une étoile et que c'est le plan de révolution des planètes autour de cette étoile-là est dans le bon axe par rapport à nous, C'est ça. ben, on ne voit pas la planète qui passe devant son étoile, mais on peut distinguer une légère baisse de luminosité. C'est l'ombre, c'est l'éclipse produite par une planète il y a à des millions d'années-lumière d'ici, qui fait, ou plutôt des milliers peut-être, mais c'est ce qui permet aux astronomes depuis 20-25 ans de détecter les exoplanètes, les planètes dans d'autres systèmes stellaires, c'est de détecter, bon, hop, on remarque une baisse de luminosité de façon très régulière à une fréquence très précise, et là on est capable de dire, ben voilà, on a affaire à une planète qui tourne Parce que autour de là, nous. on a un alignement entre nous, entre la Terre, entre l'étoile qu'on regarde et la planète qui tourne autour de cette étoile. Donc, il y a un Exactement. alignement qui fait que la luminosité de l'étoile, bah, elle faiblit à chaque fois que sa planète tourne autour. On se dit, ah, il doit y avoir quelque chose là. Oui, Là, exactement. Donc c'est une espèce d'éclipse en soi. c'est une sorte d'éclipse qui permet aux astrophysiciens de découvrir l'existence d'exoplanètes et plus que ça. De commencer à regarder, à imaginer, bah, pas imaginer, mais avoir des informations sur la composition de l'atmosphère de ces planètes. Pardon. Ça va. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, si elle a une atmosphère, bien sûr, Oui, parce que s'il c'est y a une toujours le atmosphère. cas, mais si elle a une atmosphère, la lumière qui traverse cette petite couche d'atmosphère-là, ben, est modifiée. Elle va changer un peu de couleur, les propriétés, et on peut analyser cette lumière-là ici et détecter que, ah, ben, il y a du méthane ou du gaz carbonique ou de l'oxygène ou de l'azote. Donc, oui, c'est tout plein d'informations dans ces micro-éclipses très lointaines. Voilà, et c'est tout plein d'informations de ce genre qu'on trouve aussi donc dans ce livre que vous avez écrit, Joël Leblanc, en duo avec Julie Bolduc Duval. Donc là, on n'a pas parlé de tous les aspects historiques, mais donc des observations des éclipses depuis l'Antiquité au Moyen-Orient, ensuite en Chine, toutes les observations durant l'Europe de la Renaissance et jusqu'à Einstein d'ailleurs. Donc c'est tout aussi ce volet historique qu'on découvre à travers votre livre et évidemment toutes les conditions, les indications pour profiter au mieux de ce spectacle qui aura lieu le 8 avril et dont on aura l'occasion donc de se reparler le 1er avril pour vraiment mettre tous les auditeurs, auditrices en condition. Qu'est-ce qu'on fait pour aller en profiter? Voilà. Oui, on va y aller plus concrètement avec les trucs, le B.A.-BA d'une belle observation de l'éclipse. Voilà, alors merci beaucoup Joël de nous avoir mis en appétit pour ce spectacle qui s'annonce à nous le 8 avril. Et c'est donc à découvrir dans ce livre dont je répète le titre, Éclipse quand le soleil fait son cirque par Joël Leblanc, Julie Bolduc-Duval, paru aux éditions Multimonde et disponible en librairie. Merci beaucoup Joël. Merci Valérie, à bientôt. Alors, c'est l'heure de faire une pause sur CKRL 89.1, le temps pour nous de redescendre sur Terre pour parler des boues d'épuration. trahison.